Yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. Je pourrais te raconter ma vie si je suis pas posé en stack comme ça. Yeah. Let's get it. Aye. Je pourrais te raconter ma vie si je veux poser un steakhouse. Mais tu utiliseras mes secrets pour me piquer, donc je ne le ferai pas. Pourquoi quand je te parle avec le cœur, tu préfères écouter le tien? Et pourquoi je dois me cacher pour pleurer si toi, tu m'as dit que... Bref, tu te comportes comme mon ennemi. Fais ta route mais ça sera sans moi. Je te l'ai trop dit, moi je t'ai tout donné. T'as pris des ailes donc tu m'as volé. Je me sens mort, je t'ai passé ma vie. Goût amer, j'ai tellement de regrets. Et ça je souhaite à personne. Je souhaiterais même pas au Hobbs. C'est soit le A ou le B. Et peu importe le plan, t'es pas faite pour moi, peu importe le temps. Ça sert à rien de forcer, peu importe le cran. Tu me disais qu'ensemble on ira loin. Bébé tu m'as menti. Donc tout s'arrête ici. Ouais. Ouais, maintenant je suis solo. Je me soignerai loin du ghetto. I don't love you no more. Ouais bébé c'est mes derniers mots. Ouais maintenant je suis solo. Yeah, yeah. I don't love you no more. Yeah, yeah. Ouais maintenant je suis solo. Je me soignerai loin du ghetto. I don't love you no more. Ouais bébé c'est mes derniers mots. Ouais maintenant je suis solo. Yeah, yeah. I don't love you no more. Yeah, yeah, yeah. Je sais que je suis têtu parfois dans la vie. Je fais les mauvais choix. Quand je te regarde et que je t'écoute, j'ai compris. J'ai fait le mauvais choix. J'avoue, c'est pas facile de se détacher de son petit plaisir. Je suis le genre de mauvais Joe qui est parti sans diplôme. Pour être bêtement riche, pour l'argent sale, y'a pas de vaniche. Souvent, je me console avec les billets. Ça me fait oublier le cœur que t'as cassé. C'est peut-être un sort qu'on m'a jeté. J'aimerais le briser. Ton odeur est dans la maison. Y'a de quoi en perdre la raison. C'est soit le A ou le B. Et peu importe le plan. T'es pas faite pour moi, peu importe le temps. Ça sert à rien de forcer, peu importe le cran. Tu me disais qu'ensemble on ira loin. Bébé tu m'as menti. Donc tout s'arrête ici. Ouais. Ouais maintenant je suis solo. Je me soignerai loin du ghetto. I don't love you no more. Ouais bébé c'est mes derniers mots. Ouais maintenant je suis solo. Yeah, yeah. I don't love you no more. Yeah, yeah. Ouais, maintenant j'suis solo. J'me soignerai loin du ghetto. I don't love you no more. Ouais, bébé, c'est mes derniers mots. Ouais, maintenant j'suis solo. Yeah, yeah. I don't love you no more. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Don't love you no more, babe. No more, babe. Yeah, yeah, yeah. I don't love you no more. Yeah, yeah, yeah. I don't love you no more.